السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous réunissons ce soir et nous adressons l'ensemble des louanges à Allah سبحانه وتعالى du fait des nombreux bienfaits dont il nous fait grâce et du fait qu'il nous permette de nous réunir afin d'aborder ensemble certains nombres de points importants concernant cette noble religion, la religion de l'islam, à propos de laquelle il a dit « Azza wa Jal, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam » la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et nous essayons, à l'occasion de ces quelques interventions, d'aborder des sujets à la fois importants et variés. C'est ainsi que, durant ces dernières semaines, nous avons abordé les caractéristiques des gens de foi, mais aussi un certain nombre de recommandations issues de la sunna et qui sont à observer, notamment en période de trouble. Nous avons également abordé l'importance capitale de la pureté de l'intention dans l'apprentissage du savoir. Et nous continuons aujourd'hui avec ce sujet qui vous a été annoncé et qui a pour titre « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Questionnez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Et afin de traiter ce sujet, nous allons nous baser sur un sermon dispensé par le noble cheikh, l'érudit, Salih al-Fawzan, et ce en date du 19 du mois d'Al-Muharram de l'an 1435 de l'Hégire. Le Cheikh a commencé en disant « L'ensemble des louanges reviennent à Allah, le Seigneur souverain des mondes. Il nous a ordonné de suivre son livre et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a en effet dit, Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilam ma tadhakkaroun. Suivez ce qui a été descendu jusqu'à vous, venant de votre Seigneur souverain, et ne suivez pas en dehors de lui d'alliés, combien vous vous rappelez peu. Après avoir cité ce verset, le Cheikh a continué en disant « J'atteste que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé, aussi bien au niveau de sa seigneurie souveraine que de son droit exclusif d'être adoré. Et de ses noms et attributs. Pureté à Allah, il est bien au-dessus de ce que les polythéistes peuvent lui attribuer. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le digne de confiance et intègre. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Qu'Allah le couvre d'éloge et le salue, de même que les membres de sa famille et ses compagnons, qui jugeaient avec vérité et justice. Ensuite, je vous enjoins de craindre pieusement Allah subhanahu wa ta'ala. Cramponnez-vous à votre religion et suivez la voie tracée par votre Seigneur souverain, afin que vous accédiez à son paradis, au jardin des délices, et ce en suivant son livre et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'un problème se pose à vous, que ce soit au niveau de vos pratiques culturelles ou relationnelles, ou à propos de tout ce qui a trait aux affaires de votre religion, renvoyez-le au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et vous y trouverez à coup sûr un exposé salvateur. L'exalté a en effet dit: إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Puis, si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous avez bel et bien foi en Allah et au jour dernier. C'est bien mieux et de meilleurs aboutissements. Il incombe à ceux qui excellent dans le fait de renvoyer ses affaires au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont d'autres que ceux dont le savoir est enraciné. Il incombe à ces derniers de prendre le jugement directement du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'homme du commun, qui n'a pas de savoir, il lui incombe de questionner les gens de savoir, en qui il a confiance, tant au niveau de leur religiosité que de leur connaissance. L'exalté a en effet dit: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Questionnez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Tel est donc ce que nous a ordonné notre Seigneur souverain, subhanahu wa ta'ala, que nous fassions partie des savants ou des gens du commun. Il nous a ordonné, pureté à lui, de suivre son livre et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre de ces deux sources-là la bonne direction à suivre, et de ne pas chercher cela dans les penchants de l'âme ou dans les envies de cette dernière, ni dans les différentes paroles qui peuvent être proférées par les gens, ni des différentes divergences qui règnent entre eux. Et en agissant ainsi, on a la garantie d'être sur la vérité et d'atteindre la justesse. Allah Jalla wa Ala nous a comblé de son livre et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de la présence de ulama. Quand on parle de ulama, on parle des savants de la religion. Donc Allah nous a comblé de la présence de ulama au savoir enraciné, et ce en tout lieu et en toute époque. Il nous incombe donc de revenir vers eux et de leur renvoyer nos affaires afin qu'ils les résolvent nos problèmes. Puis le shir de continuer en faisant une distinction entre deux cas de figure. Premièrement, les affaires qui ont une portée générale. Il est impératif concernant ces affaires-là de revenir vers les instances habilitées à délivrer des fatwas et vers les instances habilitées à fournir des efforts d'analyse dans les sujets de fiqh, c'est-à-dire ce qui a trait aussi bien au culte qu'au relationnel et de manière plus générale à l'ensemble des sujets religieux. Donc les sujets qui ont une portée générale, qui touchent une grande partie de la communauté, voire toute la communauté, il est impératif de les renvoyer. Il est impératif de les renvoyer à ces instances-là. Et les gens du commun ne doivent pas rentrer dans ces sujets-là durant leurs assises. Allah Jalla wa Ala a dit: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dès qu'une nouvelle rassurante ou alarmante leur parvient, ils la diffusent. Or s'ils l'avaient renvoyé aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux qui parmi ces derniers sont en mesure de la concevoir correctement en auraient connu la réalité. Si ce n'était les faveurs d'Allah et sa miséricorde, vous auriez certes suivi Satan, excepté une petite partie d'entre vous. Excepté une petite partie d'entre vous. Deuxième cas de figure, lorsque la question n'a qu'une portée individuelle. Alors en ce moment-là, l'individu à qui la situation se présente et à propos de laquelle il se pose des questions, se doit de la renvoyer aux gens de savoir, en qui il a confiance, tant au niveau de leur connaissance que de leur religiosité. Il se présente à eux et il les questionne à propos de ceux qui lui posent problème. Puis, il ne va pas chercher ailleurs. Il ne commence pas à poser trop de questions, et ce, afin qu'il ne devienne pas confus, désemparé, déboussolé. Il lui incombe plutôt de questionner ceux en qui il a confiance, tant au niveau de leur connaissance que de leur religiosité, puis d'agir en conséquence, en prenant donc en considération la réponse qui lui aura été donnée. Le shir, de continuer en abordant cette fois-ci le cas de celui qui délivre la fatwa. Il a dit qu'Allah le préserve et que toute personne qui délivre une fatwa sache qu'elle va être questionnée devant Allah Azza wa Jal à propos de ce qu'elle a dit. Car celui qui délivre une fatwa informe à propos du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc impératif qu'il dispose d'un certain savoir et qu'il ait une intention pieuse et qu'il ne se mette pas à répondre à l'aveugle ou en apportant une réponse qui n'est que le résultat de sa propre conception des choses ou de ses propres estimations et de ce qu'il considère comme étant bon de lui-même. En effet, cela relève du fait de parler à propos d'Allah sans savoir. Et parler à propos d'Allah sans savoir est plus prononcé encore que le polythéisme. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. En s'adressant à son prophète, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dit, mon Seigneur n'a fait qu'interdire les turpitudes aussi bien apparentes que cachées, ainsi que le péché et la transgression sans droit, et que vous attribuez à des associés à Allah, alors qu'il n'a forcément fait descendre aucun argument appuyant cela, et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Allah a donc placé dans ce verset le fait de parler à son sujet sans savoir au-dessus du polythéisme, shirk. Sachant que le polythéisme relève du fait de parler à propos d'Allah sans savoir, sans connaissance. C'est donc là quelque chose de gravissime. Il incombe donc aux musulmans de connaître cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ne dites pas en suivant les mensonges proférés par vos langues que cela est licite, halal, et que cela est illicite, haram, pour forger contre Allah des mensonges. Certes, ceux qui forgent sur Allah des mensonges ne réussissent pas. Ils auront une faible jouissance et récolteront un châtiment douloureux. Donc la fatwa, c'est quelque chose de dangereux. C'est pour cela que les anciens de cette communauté disaient « Ceux qui parmi vous sont les plus audacieux en s'avançant à délivrer des fatwas sont en réalité les plus audacieux en se précipitant vers l'enfer. » C'est d'ailleurs pour cela qu'ils se renvoyaient les uns aux autres la fatwa, bien qu'ils jouissaient d'un profond savoir. Malgré cela, ils se renvoyaient les uns aux autres la fatwa. Chacun renvoyait vers l'autre, du fait que chacun d'entre eux avait conscience de la gravité de cette chose-là. Mais à notre époque, ceux qui se font passer pour des connaisseurs, ou même certains novices dans l'apprentissage du savoir religieux, s'empressent d'endosser la responsabilité de délivrer des fatwas, et se concurrencent dans cela, sans craindre Allah, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela relève du fait de se mêler de ce qui ne les importe pas. Or, comme on trouve dans le hadith, fait partie de la belle pratique de l'islam que de délaisser ceux que l'individu délaisse ceux qui ne l'importe pas. Donc c'est là quelque chose de dangereux et grave. Et il est impératif d'être prudent et pointilleux dans tout ce qui relève des affaires de la religion, dans tout ce qui relève des questions du licite, al-halal, et de l'illicite, al-haram. Celui qui demande une fatwa, lui qui sollicite une fatwa, est sous la responsabilité de celui qui lui délivre. Ce dernier endosse la responsabilité de la fatwa. C'est pour cela que ce dernier se doit impérativement de craindre cela et ne surtout pas penser que la question qu'il lui a posée, c'est une question qui va s'en aller comme elle est venue et qui va prendre fin. Au contraire, il doit se rappeler qu'il va être questionné à son sujet devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car il aura dit que telle chose est licite et que telle chose est illicite. Or, le fait de se prononcer au sujet de la licéité ou au contraire du fait que telle chose est illicite est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as une preuve claire venant d'Allah azza wa jal de ce que tu avances, qu'elle soit issue de son livre ou de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a un besoin ou une nécessité de délivrer une fatwa, alors à ce moment-là, tu vas te prononcer selon ce qui te vient à l'esprit et selon ce que tu sais de la question. Et selon ce que tu sais de la question. Et il n'y aura ni mal ni gêne dans cela que tu... Excusez-moi. Puis il a dit, par contre il n'y a aucun mal et aucune gêne que tu dises « je ne sais pas » lorsque tu es questionné et qu'effectivement tu ne connais pas la réponse. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gêne à ce que tu dises « je ne sais pas ». Cela ne va pas diminuer de ton rang. Au contraire, c'est là une réaction méritoire. Le fait que tu dises « je ne sais pas ». C'est là quelque chose de méritoire, une réaction méritoire, une réponse méritoire. Et c'est quelque chose à laquelle on doit s'habituer, le fait de dire « je ne sais pas ». Le shir de continue en disant également, si tu n'as pas la réponse, tu as la possibilité de la retarder et de retourner aux gens de savoir ou de consulter les ouvrages de savoir qui font autorité, puis suite à cela, tu vas délivrer la fatwa selon ce qui t'est apparu. Et c'est là la voie du salut, aussi bien pour celui qui va délivrer la fatwa que pour celui qui l'a demandé. Les anciens de cette communauté, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme nous l'avons vu, ils se renvoyaient les uns aux autres à la fatwa, bien qu'ils jouissaient d'un profond savoir. Malgré cela, chacun d'entre eux ne voulait pas endosser cette responsabilité et la renvoyer donc à autre. En renvoyant cela à ceux qu'ils considèrent comme étant plus méritants. Il faut également souligner que cela relève de la bienséance, du bon comportement à adopter, que tu ne délivres pas de fatwa alors qu'il y a des gens qui sont plus savants que toi. Cela fait partie du comportement à adopter, que tu ne délivres pas de fatwa en présence de gens qui sont plus savants que toi. Sachant qu'Allah Jalla wa Ala a dit « Wa fawqa kulli dhi ilmin alim » et au-dessus de tout détenteur de savoir, il est un savant. Il est donc obligatoire que nous soyons attentifs à ces points-là. Surtout à une époque, comme vous le savez, où les paroles et les fatwas affluent de manière abondante. À une époque où les gens qui délivrent des fatwas sont très nombreux. Et c'est à cause de cela que beaucoup de gens en sont arrivés à être confus et déboussolés. Un tel a dit, tel autre a dit. Et tout cela, c'est le résultat de l'empressement et de la précipitation dans le domaine de la fatwa. Et ce phénomène-là est lui-même le résultat du fait de se préoccuper de choses qui n'importent pas. Beaucoup de gens se préoccupent de ce qui ne les importe pas, de ce qui n'est pas de leur compétence. De ce qui n'est pas de leur compétence. D'ailleurs, je vous renvoie vers l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, du hadith qu'il a précédemment cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de la belle pratique de l'islam, que l'individu délaisse ce qui ne l'importe pas. Et il a expliqué que cela englobe aussi bien ce qui ne le regarde pas que ce qui pourrait le regarder, mais à propos de quoi il n'est pas compétent, il n'est pas apte à se prononcer. Je vous renvoie donc vers Al-Minha Al-Rabbani, le commentaire du Cheikh Saleh Al-Fawzan, des 40 hadiths du grand érudit Al-Nawawi. Le Cheikh continue en disant, nous entendons, à titre d'exemple, des gens qui disent que la prière en groupe, il y a divergence à son sujet. Le voile de la femme, il y a divergence à son sujet. Oui, il y a divergence. Mais en cas de divergence, nous devons revenir vers les preuves. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Puis si vous divergez à propos de quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager. Ce qui est en conformité avec les preuves, nous le prenons. Nous adoptons l'avis de celui qui va adopter un discours en conformité avec les preuves. Mais celui qui, par contre, va s'opposer aux preuves, nous délaisserons son avis. Étant donné que le jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est celui qui juge entre ses serviteurs, dans ce bas monde et dans l'au-delà, il est impératif que nous assimilions bien cela et que nous connaissions ces différents points-là, de même qu'il est impératif que nous ne mettions pas notre religion en péril et en danger et que nous ne mettions pas nos pratiques relationnelles en danger en les exposant au premier venu. En effet, la fatwa, comme nous l'avons vu, est de deux sortes. La fatwa et de deux sortes. Il est des fatwas qui concernent des sujets à portée générale, qui peuvent concerner toute une société. Ces sujets-là doivent être renvoyés aux instances compétentes et aptes et habilitées à délivrer des fatwas, de même qu'au centre d'analyse des questions de fiqh, afin que ces questions-là soient étudiées et que des jugements soient émis et délivrés par ces instances compétentes. Deuxième cas de figure, comme nous l'avons vu également, les questions à portée uniquement individuelle. L'individu se doit de renvoyer ces questions-là aux gens de savoir qu'il va trouver et en qui il a confiance aussi bien au niveau de leurs connaissances que de leurs œuvres et de leur piété. Et à ce moment-là, il va questionner à propos de ceux qui lui posent problème. Le shir continue en disant qu'il incombe également à ceux qui sont négligents et laxistes dans le domaine de la fatwa et qui ainsi en sont arrivés à entrer dans des sujets sans bénéficier d'un niveau suffisant de savoir, en se basant uniquement sur leur lecture ou sur ce qu'ils ont pu voir sur les différents moyens de communication, sur Internet, sur les sites électroniques, et qui en sont arrivés à dire que le jugement relatif à telle question est telle ou telle, en se basant sur ce qu'ils ont vu ou sur ce qu'ils ont entendu de manière désordonnée, et sans se fier à des sources sûres. Il est impératif qu'ils se ressaisissent et qu'ils se rappellent qu'il s'agit là d'une religion. Comment pouvons-nous donc être négligents à propos de notre religion? Lorsque tu t'apprêtes à conclure un contrat, lorsque tu t'apprêtes à te marier, lorsque tu t'apprêtes à prendre part à une initiative importante qui te concerne, est-ce que tu consultes les premiers venus ou est-ce que tu consultes les gens avisés et clairvoyants? Il n'y a pas de doute que tu vas aller questionner les gens expérimentés, alertes, vifs d'esprit, intelligents, sensés, raisonnables. Et ce, afin que tes affaires soient bien réglées. Et pour que tu agisses avec clairvoyance. C'est ainsi que tu ne questionnes pas les premiers venus. À plus forte raison, tu dois agir ainsi lorsque le sujet touche à ta religion. Tu te dois d'être prudent, d'être vigilant, d'être précautionneux et de renvoyer les affaires ayant trait à ta religion aux gens de savoir et de clairvoyance. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Et il ne nous a laissé aucun argument. Il a plutôt envoyé vers nous un messager. Et a fait descendre sur nous un livre. Et il a ordonné aux ulama, c'est-à-dire les savants de la religion, d'exposer clairement ce livre aux gens et de ne pas le dissimuler. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Rappelle lorsque Allah a pris l'engagement de ceux à qui le livre a été attribué, vous allez l'exposer clairement aux gens et ne pas le dissimuler. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Certes, ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé, littéralement fait descendre comme preuve claire et bonne direction, après que nous l'ayons clairement exposé aux gens dans le livre, ceux-là sont ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, excepté ceux qui se seront repentis, auront amélioré leur situation et auront clarifié. De cela j'accepte le repentir. Et je suis celui qui accueille largement le repentir et fait grandement miséricorde. Donc le sujet est un sujet très sensible, chers serviteurs d'Allah. Et comme vous pouvez le voir, il y a un grand désordre, qui règne dans tout ce qui relève de la religion et de la fatwa. En effet, il est parmi ceux qui délivrent des fatwas, certains qui mettent l'accent sur les avis permissifs soutenus par certains ulama. Les avis permissifs, c'est-à-dire qui contiennent une certaine facilité excessive. Et on trouve donc que parmi les gens qui délivrent des fatwas à notre époque, il en est qui mettent l'accent sur ces avis permissifs qui ont pu être soutenus par certains ulama. Et ces gens-là se mettent à chercher ces avis-là, afin de prendre de ces avis ce qui va aller dans le sens de ce vers quoi ils penchent, ou de ce vers quoi penchent, ce qui leur demande des fatwas. Et ce comportement-là, cette manière d'agir-là, est illicite, elle est interdite. Et cela relève plutôt du suivi des passions. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. S'ils ne répondent pas favorablement à ton appel, alors sache qu'ils ne font que suivre leurs penchants. Et qui est plus égaré que ceux qui suivent leur penchant sans suivre une bonne direction venant d'Allah? Tu en trouves également qui cherchent en réalité à satisfaire les gens et à obtenir l'agrément de ceux qui leur demandent des fatwas, afin que les gens ne disent pas « il est trop dur » ou « c'est un arriéré » ou « il est comme ci ou comme ça ». La personne qui aurait cela à l'esprit se doit de se rappeler avant tout ce qu'il y a entre lui et Allah, et ne doit pas prendre en considération ce que les gens disent. Qu'il cherche avant tout à se décharger de la responsabilité auprès d'Allah, et qu'il craigne Allah au niveau de sa propre personne, et au sujet de ceux qui viennent lui poser des questions et lui demander des fatwas, qu'il craigne Allah dans la société dans laquelle il vit. Et c'est comme cela qu'agissaient les pieux prédécesseurs. As-salafu salih, qu'Allah leur fasse miséricorde. Cheminons donc sur leur voie et suivons donc leurs pas afin de les rejoindre si Allah l'exalté le veut. Puis le shir de continuer en rappelant le verset qu'il a précédemment cité: wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ne dites pas, en suivant ce que vos... les mensonges que vos langues peuvent prononcer, telle chose est licite, halal, et cela est illicite, haram, pour forger contre Allah des mensonges. Certes, ceux qui forgent contre Allah des mensonges ne réussissent pas. Ils auront une faible jouissance et récolteront un châtiment douloureux. Puis, dans la seconde partie de son sermon, puisque rappelons-le ici, c'est un sermon que nous proposons de traduire, hein, dans la seconde partie de son sermon, après avoir adressé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et après lui avoir demandé de couvrir d'éloge et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et après avoir adressé à Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs invocations, il a dit: craignez pieusement Allah l'exalté, et sachez que nous sommes à une époque dans laquelle les ulama, le nombre de ulama a diminué, et les infiltrés sont nombreux, de même que ceux qui se font passer pour des connaisseurs, et nombreux sont ceux qui se concurrencent afin de délivrer des fatwas sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont ceux qui sont négligents au niveau de leur religion. Il est donc impératif que, quant à nous, nous nous cramponnions à notre religion et que nous ne l'exposions pas au danger. Il est plutôt impératif que nous restions fidèles aux principes de notre religion et que nous ne l'exposions pas au danger, en ne disant pas: c'est la responsabilité d'un tel, ou c'est la responsabilité d'un tel. Le shir de dire: c'est plutôt dans ta responsabilité à toi. Ce n'est pas la responsabilité d'un tel. Oui, un tel a commis un péché s'il délivre une fatwa sans savoir, sans connaissance. Effectivement, il commet un péché. Mais toi, tu es le premier responsable de ta propre personne. Craignez donc pieusement Allah, ô serviteur d'Allah, car l'affaire est grave et dangereuse, et elle touche aussi bien à votre religion qu'à votre quotidien. Certaines parmi eux disent: la prière en groupe, il y a divergence à son sujet, priez dans vos maisons. Est-ce que ça va te décharger de ta responsabilité? Même si il y a une divergence au sujet de la prière en groupe, ce qui est pris en compte, c'est la preuve. Et les preuves sont du côté de ceux qui soutiennent que la prière en groupe est obligatoire dans les mosquées. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit que celui qui se réjouit à l'idée de rencontrer Allah demain en étant soumis, reste fidèle à ses prières dans les endroits desquels on y appelle, car elles font partie des pratiques de la rectitude. Allah a religieusement établi pour votre prophète des pratiques de la rectitude, et la prière en fait partie. Et si vous vous mettez à prier dans vos demeures, comme le font ceux qui dérogent à la prière en priant dans leur demeure, vous auriez délaissé la sunna de votre prophète. Le shaykh Salih al-Fawzan de dire, après avoir cité ce que vous avez entendu comme parole de Abdullah ibn Mas'ud, « Oh mon frère, comment peux-tu délaisser la sunna de ton prophète et adopter la vie d'un tel ?» Tu délaisses la parole du messager et tu prends la vie d'un tel et tu dis il y a une divergence dans la question. Ibn Mas'ud a dit dans la suite de son propos, et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous vous égarerez. Et je nous ai certes vu, donc il parle ici des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je nous ai certes vu alors que seul un hypocrite, dont l'hypocrisie était connue de tous, y dérogeait, c'est-à-dire à la prière en groupe dans la mosquée. Certains se présentaient à la mosquée aidés de deux hommes qui les aidaient afin qu'ils prennent place dans les rangs. Et ce récit, cette parole de Abdullah ibn Mas'ud a notamment été recueilli par Muslim. Il est donc impératif que nous prenions en considération ce qui va nous décharger de la responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous allons nous tenir debout devant lui et nous serons rétribués selon nos œuvres. Rappelons-nous que ce bas monde est éphémère et que seul en restera les œuvres, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Craignez donc pieusement Allah, ô serviteur d'Allah. Et sachez que le meilleur des discours, c'est le livre d'Allah. Et que la meilleure des voies est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez également que les pires des choses en religion sont celles qui y sont inventées. Que toute hérésie est un égarement. Et restez fidèles au groupe des musulmans unis sur la vérité. Car la main d'Allah est sur le groupe uni sur la vérité. Quant à ceux qui se marginalise, ils se marginaliseront en enfer et qu'Allah nous en préserve. Et c'est sur cela donc que se termine cette modeste tentative de traduction. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser en bien le noble Cheikh Salih al-Fawzan, de le préserver, d'allonger son existence dans son obéissance et de préserver l'ensemble des ulama de la sunna encore en vie et de faire miséricorde à ceux qui parmi eux nous ont quitté. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.